cette adresse. Mais tu as intérêt à me le livrer à temps. Moi, mes ordres, c'est de vous livrer. La suite, ça ne me regarde pas. Respectable, vas-y, tac, on note, passe ta commande. Quelques notes, on pose ça, tu en redemandes. Les mises à l'amende, ça c'est mon domaine. C'est ta fin de bonne rime, je te remplis l'abdomen. Si tu préfères, on m'a dit faut vendre vite. Donc vas-y, croque dans ma rime, si t'as le ventre vite. Je veux rassasier plus qu'un village. Et dans mon sillage, j'ai dû négocier plus d'un virage. Pour l'auditeur, je m'offre un holocauste. Donc tout ça vos postes, en bécane ou en crosse, je suis plus rapide que chronoposte. Et ouais, mon pote, quand mes rimes s'exportent, j'kiffe. Même en panne d'inspire, viens en courant comme un coach sportif. On livre pas encore à l'étranger, ça je vous l'accorde. Mais vu ce qu'on apporte, on va pas mettre la clé sous la porte. Livreur de rimes, on arrive plus vite que des missiles. Vas-y, passe la commande, on t'amène ça à domicile. On ramène du bon son, vas-y, préparons nos ailes. Hey, ne bouge pas, on se déplace jusqu'à tes oreilles. Livreur de rimes, on arrive plus vite que des missiles. Vas-y, passe la commande, on t'amène ça à domicile. On ramène du bon son, vas-y, préparons nos ailes. Hey, ne bouge pas, on se déplace jusqu'à tes oreilles. Livreur de rimes, je grimpe des 200 sur l'autoroute et je dépasse même pas les 50. En décembre sur mon deux roues, je vends les deux bouts. C'est pas un staff qui m'aidera. Livreur pétale de prose, mon concurrence c'est Interflora. Effleurer les passants dans la rue, c'est slalom. Arriver jusqu'à toi, te rassasier, c'est Salim. Livreur de rimes, mais pas de doux, on mettra pas le genou à terre. Livreur à même à perte, ouais, même à pied. T'as plus qu'à nous appeler, garantie bon, moins de 30 minutes. Toujours le texte et la plume, cuis à feu doux dans la cocotte. Minute dans mes notes, que du frais, pas de rime fade. Prends en cesse, bien grasse, pas de sel. Nourris au slim, face, qui me fascine, qu'elles sont pas cotées au Michelin. J'suis livreur, j'speed, et pourtant j'suis qu'à mi-chemin, j'arrive. Pour toi c'était celle au pistou. Ces rimes te sont fesses dans la passion, j'puisse tout. Livreur de rimes, on arrive plus vite que des missiles. Vas-y, passe la commande, on t'amène ça à domicile. On ramène du bon son, vas-y, préparons nos ailes. Hey, ne bouge pas, on se déplace jusqu'à tes oreilles. Livreur de rimes, on arrive plus vite que des missiles. Vas-y, passe la commande, on t'amène ça à domicile. On ramène du bon son, vas-y, préparons nos ailes. Hey, ne bouge pas, on se déplace jusqu'à tes oreilles. Ha ha, tu connais déjà le gros dino. Moi c'est Jonchi, profession, livreur de rimes sales. J'traille toutes les pizzas et full fire dans la salle. Quand t'as vraiment la dalle, serais-tu prêt à consommer des phrases et des flots réchauffés? Trop se nourrir de fast rhymes, de junk rap, mange sur place en live. Bonjour l'arnaque, moi c'est du son bien gras, certes mais certifié. Fat flow à base de produits frais, fat bio pour faire trop kiffer. Pure promotion, viens vite en profiter. C'est pour toute commande, 3 fois 7 mesures, refrain pour 3 centilitres offert, c'est sûr. C'est une belle occasion pour une telle qualité. Quand on l'a invité, le routard a kiffé nos phases. T'as capté les places, E2L et je sais pas quoi. Chez nous les gars croient, le son gras, pas l'oméga 3. On va pouvoir livrer encore